Salut à tous, vous êtes tous dans Plus que du métal. Aujourd'hui, nous avons des invités exceptionnels, on va dire. Dusk of Deligion, salut les gars. Hello. Salut. Avant, on présente le dernier Slipknot, tête d'affiche du Knotfest, jeudi. Et avec un nouvel album en août. Donc on va venir à vous, on va parler de votre histoire, de votre actualité et autres. Ouais. Avant, on va juste parler des concerts du coin. Il y a beaucoup de concerts. Ce soir à la Rocal, Dream Theater, qui seront aussi au Hellfest. On va en parler forcément du Hellfest. Hein. Demain, Dan Atelier, petite salle au Luxembourg, sympathique. Il y a Alestorm. Le 19 juin, mais c'est complet à l'autre canal, Sum 41. Le 23 juin chez Paulette, il y a Crowbar, Very Sad Story et Cleaver qu'on avait reçu dans notre émission Plus que du métal, super. Le 25 juin Slash à la Rocal, le 28 juin Soulfly, le chez Paulette, 30 juin Trivium à la Rocal et le 3 juillet à l'atelier Wolf Mother. Et là, on va se faire un petit plaisir, on va écouter le dernier Soulfly avec Ritual. Là, c'est parti. Joe! Et voilà, donc Soulfly et Ritual, le 28 juin hein, chez Paulette. Voilà, donc salut les gars, donc Dusk of Devolution, eh ben, nous font les honneurs d'être présents avec nous. Merci. Eh ben, allez-y, présentez-vous les gars. Eh ben alors déjà, excuse-moi, je suis obligé de te corriger, c'est Dusk of Delusion, et ça a toute son importance, mais on t'expliquera le nom du groupe après. Donc ouais, mais moi je suis Benoît, je suis le chanteur. Mathieu Morand, guitariste et cofondateur du groupe. Bah ça y est, il était obligé de la rajouter. Bien sûr, attends, c'est le minimum, quoi, je veux dire. Et moi, c'est Nathan, donc nouveau batteur du groupe, du coup. T'as, lui, il n'est pas cofondateur du tout. Non. Alors, non, je suis nouveau. Alors, bah justement, comme on a un cofondateur, il va pouvoir nous parler un peu de l'histoire du groupe. Vous existez depuis quand? Pourquoi il y a déjà un nouveau batteur? Ah. Pourquoi c'est pas mis à jour sur Internet, les informations? C'est pas mis à jour partout, c'est vrai. Oublié quelques détails. Non, c'est le community manager qui fait pas son taf. On l'engueulera. C'est qui le community? Il y en a pas. Ah merde, je le disais aussi. Donc. En fait, Julien le bassiste et moi, on joue, on fait de la musique depuis très très longtemps ensemble, puisqu'on a monté notre premier groupe en 1993. Donc ça fait plus de 25 ans qu'on joue ensemble. Avant, on faisait, enfin on fait toujours d'ailleurs du prog, du metal prog dans un groupe qui s'appelle Elvaron. Et on avait envie, il y a 5-6 ans en fait, de faire une musique un peu plus immédiate en fait, qui soit restituable très très rapidement sur scène, et puis quelque chose qui soit un peu pas dans l'air du temps, mais plus proche de la musique actuelle, quoi. C'est là que c'est tout le paradoxe de la Dusk of Delusion. Ouais, vraiment. Donc, on avait commencé à approcher un batteur en 2014, puisqu'initialement on voulait être en formule trio. Et puis ça s'est pas fait pour des raisons personnelles du batteur. Et puis finalement 2 ans plus tard. On a remis. Enfin, on s'est redonné envie de le faire, et puis cette fois, on est allé jusqu'au bout. Donc, le batteur nous a présenté Benoît, hein, avec qui il avait déjà joué auparavant dans un groupe qui s'appelle Redline. Tout à fait. On a joué comme ça, donc à 4 pendant plusieurs semaines. Donc, Julien avait écrit déjà beaucoup de matériel musical, ce qui nous a permis d'être très très rapidement sur de la composition, et puis sur la possibilité de faire de la scène très très vite. Et c'est manifesté une envie générale d'intégrer un deuxième guitariste. Donc ça, c'était fin 2016, hein, si je ne m'abuse. C'est exactement ça. Et Claude est arrivé, et puis on a fait notre première date en première partie de Blazing War Machine. Et puis après, on est parti sur de la pré-production d'un premier album qui est sorti en mars 2018. Donc c'est ça. On a eu la Funfair, c'est ça. Ouais, exactement. Funfair. Ouais, ouais, ouais. Donc on a eu l'opportunité aussi de travailler avec un distributeur en France, et puis un autre distributeur en Europe, qui est Plastiquette Distribution. Et puis de faire une sortie internationale, entre guillemets, en digital, quoi. Non, si, on a eu 2 albums qui se sont vendus au Japon. En digital et. On le dit pas assez souvent. Et en physique. Oui, oui, donc la distribution physique en France et en Europe, par Plastiquette Distribution pour l'Europe, et puis par Socadisc pour la France. Ce qui nous permet aujourd'hui, ben voilà, d'être référencés dans. Au Japon. Ben partout en fait, chez tous les disquaires de France et d'Europe, quoi. Bah, parlons justement de ce disque, donc on va écouter 2 petits morceaux. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'effort sur le visuel. Les visuels sont super beaux, je trouve. Ben, pourquoi est-ce que c'est vous qui l'avez fait Ah non, on serait bien incapable de faire ça. Mais je trouve ça vraiment bien. Eh ben écoute, attention, on lui dira. C'est pas du tout une critique. Non, on lui dira. On sent le gros effort quand même. Et ouais. C'est... Bah tu parlais du Hellfest tout à l'heure. Exactement. Le Chromatorium, c'est lui qui fait, donc celui qui nous a fait la pochette, c'est lui qui fait tous les visuels du Hellfest depuis 3 ans, ouais, 3 ou 4 ans. Ouais. Ouais, mais c'était une volonté de votre part aussi d'avoir des. Ah oui, oui, complètement. Nous, on lui a donné. C'est un bel objet. Tout à fait. C'est une volonté de votre part. De toute façon, on ne conçoit la musique, c'était le cas pour le premier album, ce sera le cas pour le deuxième album, on conçoit la musique en tant que concept album. On fait des concepts, en fait, on s'amuse à raconter des histoires. Donc il fallait évidemment que toute l'identité visuelle du groupe soit aussi en adéquation avec la musique et avec ce qu'on veut raconter. Donc oui, on voulait une pochette qui soit forte, qui raconte des choses et ben là-dessus, le Chromatorium a fait un travail impeccable parce qu'en fait, même si tu regardes attentivement la pochette, et on l'a pas souvent dit, donc je sais pas si tous ceux qui nous connaissent le savent, mais en fait, toutes les chansons partent d'un personnage et tous les personnages se retrouvent sur la pochette à différents endroits. Donc on peut même s'ajouer à Où est Charlie sur la pochette. Ok. On va écouter un morceau, The Juggler. C'est Benoît qui me l'a proposé. Pourquoi celui-là? Parce que c'est le mieux. De Mathieu. Alors l'autre, il est pourri. Ouais, non, ça, l'autre est très bien aussi. Il y a des solos. Non, The Juggler, c'est un morceau qui est très sympa parce que il y a un gimmick au milieu de la chanson qui sert un peu de pré-refrain, qui est très très bon et qui présente parfaitement le concept en fait qu'on a voulu servir dans cet album. Donc c'est un des morceaux les plus représentatifs de ce qu'on a fait. D'accord. Donc Dusk of Delusions, the Juggler, pardon. Ready to see. Voilà, The Juggler, Dusk of Delusion. Du coup, parlons concert. Vous avez l'air de beaucoup tourner. Comment avez-vous promu, on va dire, cet album ? Eh ben, on a promu cet album déjà par un release apéro. Donc ça ne parle pas concert. Non, en fait, on a promu l'album en se mettant dans un bar de Nancy, en l'occurrence au BBC, parce que j'aime bien le faire un petit peu de pub. Hein. Il nous a accueillis quand même vachement bien. Et où on a proposé aux gens d'acheter des bières et de manger des petites cacahuètes avec nous en écoutant l'album, en regardant les clips et en jouant quand même 2-3 chansons acoustiques. Mais pour parler plus particulièrement des concerts, c'est vrai que tout de suite après la sortie de l'album, l'album est sorti exactement le 9 mars et dès le mois d'avril, on a essayé, alors toujours par nos propres moyens, mais de faire une semaine, on a essayé, on a fait, une semaine de tournée, entre guillemets, ou enfin non pas entre guillemets, une tournée. Une tournée, ouais. Une tournée où on est allé se balader entre... Je vais essayer de toutes les redire. Nancy, Paris, Lille, Reims, Strasbourg, Lyon et... La Suisse. Estavayer-le-Lac en Suisse, côté de Neuchâtel. Ouais, en fait, depuis que le groupe est créé, on a fait un peu plus de 40 concerts. Donc, ce qui est une bonne moyenne pour un groupe local qui vient de se créer, quoi. Et surtout grâce à Benoît qui est le principal c'est le booker. Booker, quoi. Donc ouais. C'est toi, Benoît, qui va chercher les dates. Ouais, jusque là ça a été moi, puis là je vais un peu lâcher le morceau parce que on commence à arriver au taquet de mon carnet d'adresse, quoi. C'est-à-dire on est toujours, ça fait toujours plaisir de jouer, mais on commence à jouer aussi sur des dates, enfin non, comment dire ça, on a des dates qui ne nous sont pas accessibles parce que mon carnet d'adresses n'est pas encore assez rempli et donc on va charger un booker de Paris en l'occurrence, mais tout n'est pas signé donc je n'en dis pas plus pour l'instant, mais de se charger d'une partie de nos dates, histoire de toucher des plus grosses salles, des gros festoches, etc. Une personne qui a un plus gros portefeuille en gros. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis et un gros carnet d'adresses. Puis qu'on rémunère surtout, hein, comme il se doit. Un agent, quoi, un booker. Oui, un agent, booker, voilà. Ouais, qui va prendre un pourcentage de nos cachets, etc. Mais c'est la condition, en fait, pour passer un palier, quoi, pour passer un cap par rapport aux dates auxquelles on peut prétendre, voilà, avec une sortie d'un deuxième album, etc. Quoi. Si on parle l'actualité. Un jour J, là, en fait, vous êtes allé cette année à Grenoble, Mulhouse, mais surtout, vous allez le 6 juillet, là, je vous fais de la pub, vous allez au Rock Electro Festival à Thionville. Tout à fait. Hein, donc, parlez-nous un petit peu plus de ce festival. Ah, c'est le batteur. Tu peux ou pas? T'as toutes les dates ou pas? Il sait pas. Non, il sait pas. Non, c'est pas non mais si, je sais qu'on joue à Thionville le 6, quand même. Je viens de lui apprendre ou quoi, là? Non, ouais, ça va. Non ouais, alors on joue à Thionville le 6 juillet effectivement, c'est un festoche qu'on avait visé l'an dernier puis on n'avait pas pu y aller pour différentes raisons, mais cette année on est pris, donc on est très content déjà d'avoir eu on remercie les programmateurs, nous a fait plaisir, puis alors autant dire qu'on croise des gens on joue avec les copains qu'on aime bien, hein. On va croiser surtout Pulsar et Borz qui sont Pulsar, ça fait 3 ou 4 concerts qu'on fait ensemble, alors même si on ne fait pas du tout le même style de musique du tout, mais on s'entend vachement bien et ils ont un univers qui est vraiment vraiment très très bon. Ils envoient du pâté. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Et puis Borz, on les présente pas de toute façon sur Nancy. Quand on parle d'électrométal, forcément ça commence. Ils commencent un petit peu à peser. Et il y aura aussi, parce que je vais pas oublier les deux autres groupes, il y aura aussi D11 et Mr. Gwenweed. J'ai bien imprimé le son. Et c'est une volonté de votre part actuellement. Là, vous faites moins de concerts quand même. Est-ce que c'est une volonté de votre part pour justement préparer ce nouvel album en 2020? Hein? C'est tout à fait une volonté. C'est tout à fait une volonté. Ouais. On va calmer un peu les concerts parce que il y a des grosses échéances qui arrivent sur l'album. Là, voilà. Alors là, c'était le teasing. On va passer le deuxième voilà. Morceau. On va parler des grosses échéances après. Donc là, c'est All You Can See. Oui. Benoît. Excellent morceau aussi. Non, c'est le deuxième meilleur, c'est ça. Hein. C'est un des deuxièmes meilleurs. Je ne connais pas. Vous êtes sûr qu'on le joue? Allez, c'est parti. All You Can See. I ran away from all the Dusk of the Illusion, All You Can See. Donc voilà, on a fait des teasers tout à l'heure. Maintenant, faut en dire plus. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je rappelle, le 6 juillet, vous êtes à Thionville pour le Rock Electro Festival. Et après? Après, on est en pré-prod de l'album tout l'été. D'accord. Enfin, les pré-productions sont très très avancées déjà, mais on va continuer ce travail de pré-production pendant tout l'été pour entrer en studio probablement début octobre si tout va bien. Parce que tous les morceaux sont déjà écrits. Voilà. Ah bah oui. Alors justement, parlons de l'écriture des morceaux. Qui compose dans le groupe? Alors. Ou vous composez en général, peut-être tous ensemble. En général, c'est Julien et Mathieu qui apportent les idées, des fois Claude aussi. Qui font un gros taf déjà dans l'écriture, ils écrivent déjà beaucoup de choses, même tous les instruments. Et ouais. Puis après, en répète, nous, on va arranger tout ça. Moi, par exemple, des fois, je vais changer un petit pattern de batterie, je vais changer des breaks, des trucs comme ça. Et Benoît, lui, va faire les paroles, il fait un gros taf sur les paroles. Et oui, c'est là-dessus. Et les mélodies. C'est bien toi qui écris les paroles. J'écris les paroles, j'écris les mélodies, et ça, j'avoue que j'ai de la chance d'avoir des musiciens qui me laissent entièrement carte blanche. Okay. Ils n'ont jamais, jamais mis de veto sur quelque texte que ce soit. Et c'est quand même une. C'est une belle liberté, en fait. Il a des idées, du coup, parce que, comme on a dit tout à l'heure, l'album, il y a une histoire dans l'album, finalement. Oui, c'est ça, en fait, comment tu dis ça? J'ai la contrainte du concept quand même à chaque fois, c'est un beau défi. Mais c'est sympa, c'est sympa. Il y a vraiment des trucs à faire en fait, au niveau des paroles c'est vraiment cool. Donc si je résume, donc les compos sont prêtes, il n'y a plus qu'à enregistrer en fait. Comment vous faites dans votre emploi du temps Oui, non mais je caricature un peu. Non, je vois bien, la tronche, je caricature. Le perfectionniste fait la tronche. Le cofondateur du groupe. Le cofondateur n'est pas d'accord. Mais je vous emmerde. vous êtes 5, vous avez donc des emplois du temps, je rappelle pour tous les auditeurs que tout le monde, que vous travaillez, vous avez tous une activité, et comment vous palliez, vous arrangez justement pour c'est un enregistrement qui se fait pendant 2 heures, donc racontez un petit peu là comment vous allez vous organiser. Parce que vous avez quand même prévu la sortie en 2020. Oui, ouais, mars 2020. Mars 2020, donc 2 ans après Funfair. C'est ça. Bah là, ce qui va beaucoup changer, c'est qu'on va aller dans un studio d'enregistrement au lieu d'enregistrer nous-mêmes. Donc on va avoir effectivement une contrainte qui va être temporalisée par le fait qu'on n'enregistre pas live, hein, on n'enregistre pas tous ensemble dans une pièce. Nathan va enregistrer ses parties batterie, donc il va prendre 4-5 jours sur son emploi du temps, certainement pendant ses vacances ou en fonction de son calendrier professionnel. Une fois que Nathan aura fait ses prises batterie, Julien ira faire ses prises basses, Claude et moi on fera les guitares, et puis on finira par le chant. Puis au final, voilà, par le chant. Ça a été aussi un des arguments quand on a recherché un studio chez qui faire ce deuxième album, parce qu'on avait envie de passer un palier. Non pas que le premier album soit mal fait, je ne dirais surtout pas ça en présence de l'homme qui l'a mixé, mais on avait envie le cofondateur faire mieux. on avait aussi quand même l'envie double déjà de faire de la musique beaucoup plus technique nous-mêmes, et donc aussi de se libérer de certaines contraintes qui nous empêchaient de faire un peu de la musique qu'on voulait, de confier ça à quelqu'un dont c'est réellement le métier. Et du coup, il nous a fallu trouver quelqu'un qui acceptait aussi de dire, les gars, c'est nous qui lui avons dit, mon gars, on vient chez toi, on te paye, taro, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on a la totale liberté. Moi, si je veux prendre 30 jours pour prendre mes voix, pour faire mes voix, je prends 30 jours, quoi. À l'inverse d'autres studios qui, eux, fonctionnent généralement sur des forfaits journaliers. Et puis, si tu restes un jour ça de plus, tu payes un jour de plus. Quoi. Ouais. Et d'ailleurs, j'en profite juste pour mentionner le nom du studio parce qu'on leur fait un petit peu de pub aussi. Il s'appelle White Bloom Records. Et c'est d'ailleurs un des mecs de Pulsar qui tient le studio. D'accord, il se trouve où Tout est lié. Il se trouve Saint-Julien-les-Metz. Saint-Julien-les-Metz, exactement. Voilà. Ouais. Comme ça, c'est complet. Hein. Et ce nouvel album ressemblera pas Tiens, une question, Benoît. On va rien dire. On va rien dire. Si, on va dire. Un petit truc quand même. Oui, on va vendre. Il y a un concept. Ça, je l'aurais deviné. Il y a un concept. Derrière, il y a un concept. Alors, non, il ne ressemblera pas au premier, définitivement, parce que d'un point de vue musical, on est passé sur des choses. J'ai vraiment hâte. Je dis des choses et à dire, je réentends les musiques dans ma tête et j'ai vraiment hâte que tout le monde les entende, parce qu'on va passer sur des choses où vraiment on s'est tous pour parler vulgairement et passez-moi l'expression, mais on s'est tous sortis les doigts du cul, quoi. Clairement, moi, sur les paroles, j'ai fait un travail, c'est ridicule à dire comme ça, mais j'ai fait un travail d'introspection qui m'a permis de sortir des textes que j'aurais pas été capable de sortir il y a 2 ans, clairement. Au niveau des grattes, les guitaristes ont fait beaucoup, beaucoup de travail, surtout sur le jeu à deux, qui manquait parfois sur le premier album. Là, le jeu à deux est vraiment présent. Il y a des jeux entre les deux guitares. Et surtout, grosse avancée. On n'était pas forcément tous d'accord, mais on va retrouver des solos sur pratiquement chaque morceau, ce qui fait que ce n'est plus vraiment du néo-métal. Ce qui fait le bonheur de Mathieu. Mais quoi. C'est vrai que ces solos sont calés... Après, quand on écoute Slipknot, hein, c'est ce que je dis souvent, même toujours, ouais. Slipknot, il y a du solo tout le temps. Hein. C'est pas non plus une révolution. Non, c'est pas une révolution, mais à mon avis, il va falloir qu'on réfléchisse à ce qu'on fait encore du néo-métal, parce que c'est en train de devenir un tel hybride de plein de styles de métal. C'est qu'un nom. Ah oui, non, mais bien sûr. Ah bah, nous, on est complètement détachés de ça, hein, déjà sur le premier. Mais bon, voilà, c'est intéressant parce qu'on sait. Il y a vraiment une réflexion profonde sur la musique, sur le concept, dont je peux te parler d'ailleurs aussi du concept, mais je peux te en parler pendant une heure. Hein. Okay. Ce qui était important surtout pour nous, c'est de se dire, voilà, ça fait quand même 10, 15, 20, 25 ans qu'on fait de la musique pour certains. On peut augmenter c'est sans parler de la technique, hein, mais on peut, sans se mettre en danger, faire de la musique qui soit plus aboutie pour nous en tant que musiciens et puis qui soit plus intéressante parce que plus travaillée, plus technique même, on peut dire, sans pour autant que ça soit ni du progressif, ni quelque chose qui va rebuter les gens parce que pas facile d'accès. Ça reste du Dusk of Delusion, donc des morceaux qui vont être immédiats, mais avec pour nous un aspect où on est allé plus au fond de notre technique instrumentale, notre technique vocale, notre capacité à écrire, notre capacité à faire des arrangements. Donc voilà, j'espère qu'on pourra avoir un rendu qui rende justice au travail qu'on a effectué sur ce disque. Et puis toujours avec la même patate, quoi. Parce que sur scène. Ok, donc je répète, hein, le 6 juillet vous êtes à Thionville, ensuite mars 2020 vous sortez donc le deuxième album. Il y aura pas de concert entre non ponctuellement peut-être. Pour l'instant, il y en a aucun qui sont programmés. Okay. Et si on a une belle proposition, on la refusera pas. Mais pour l'instant, il y en a pas programmé. Ok, merci d'être venu. Vous restez avec moi, hein, jusqu'à la fin. Avec plaisir. Pour intervenir. Dans Plus que du métal, on a toujours un vieil album qu'on ressort des fagots. C'est bien. Bon, je me suis pas forcé parce qu'il passe au Hellfest, on les verra tous les deux, Benoît, tout à fait. Slayer. Exactement. L'album Rain Blue de 1986, qui est considéré à ce jour comme un chef-d'œuvre du thrash metal. Disque très agressif, parlant de sujets très très durs, aucun repis à l'auditeur. On va écouter Raining Blood avec son riff qui est parmi un des plus mémorables du metal. C'est parti. Voilà, Slayer, Raining Blood. Quelles sont vos influences d'ailleurs? Elles sont diverses. Est-ce que tu as une heure? Alors, Benoît, je sais que c'est Linkin Park, Slipknot, Korn. Exactement. Moi, c'est très varié. Je viens du prog, hein, initialement. Moi, je suis un gros fan de Rush. Ouais. Et puis, ça va de Maiden à Dimmu Borgir, en passant par le black metal norvégien, la country, musique classique. Qu'est-ce que c'est que ça? La country. Je connais pas. Voilà. Vous voulez pas changer de cofondateur? Et le batteur? Korn, Bring Me. Ouais. Oui, Bring Me, on peut le rajouter pour toi, moi aussi. Toi, je t'ai regardé tout à l'heure, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il va le dire? Oui. Ouais. Bah oui, il me l'avait dit. Linkin Park, In Flames, beaucoup. In Flames. Ouais. Henry Death. Alors, Death, bah oui, forcément. Ouais, ça, j'ai commencé avec ça, moi. C'est une influence pour tous. Mantar, ça vous parle? Non? Non. Eh ben Benoît, tu les verras. Ils sont au Hellfest, on fait une petite découverte. Manta, Rage of the Absurd. Ils passent de mémoire le samedi. D'accord. T'écouteras. Bah ouais. C'est parti. Avec plaisir. Voilà, Mantar, Age of the Absurd. Donc, c'est à 14h20, me dit Benoît. Tout à fait. Sur la vallée, c'est ça. Exactement. Voilà. Vous allez voir d'autres concerts. Benoît, tu m'as dit que tu revenais de Jarny. Ouais, le plein air de rock. On peut faire un coucou aux organisateurs, c'était copain. Ouais. Et le cofondateur. Moi, j'avoue que j'allais beaucoup dans les concerts de groupes locaux il y a quelques années. J'y vais beaucoup moins, ça okay. C'est clair. Et je me déplace principalement pour des groupes que j'ai pas encore vus. Okay. Parce que j'ai vu beaucoup de concerts. Là, le dernier que j'ai fait, c'était Sons of Apollo, tu vois, ouais. À la laiterie l'année dernière. Outre les concerts. Oui, c'est ça, parce qu'à côté de ça, on se retrouve aussi assez souvent pour aller voir les concerts des groupes dont on est amis. On est allé à la release party de Bridge of Souls récemment. On va aussi voir les Surrounded by Beers quand ils passent dans le coin. Bord, voilà, tous les groupes. Puis on regarde quand même beaucoup les groupes avec qui on joue quand on ouais. quand on est sur, oui, bien sûr, quand ouais. on voilà, on okay. est toujours nous dans la salle, on regarde quoi. Okay. Oui. Ok. Donc plus que du métal, et ben c'est encore une découverte. On a toujours un petit morceau qui n'est pas forcément métal. Là, on va écouter. Bon, ça reste du métal quand même, pas du rock, du hard rock. Moi, j'appelle ça du disco rock. Ils seront donc sur la grande scène du Hellfest. C'est Kiss avec I Was Made for Loving You. Eh ben, on va les écouter. Voilà, donc Kiss I Was Made for Loving You. Ils sont sur la grande scène le samedi 22 juin. Je vais faire un peu de. Une petite annonce. Le 21 juin 2019, à Jet Fête la musique, de 15h à 20h, vous pouvez venir visiter les studios, rencontrer vos animateurs préférés. Bon, pas moi, parce que je serai à Clisson. De 15h30 à 18h, on aura des émissions en direct, en passant par Lorraine, spécial Anton, c'est le chanteur qui vient de The Voice 8. Vous connaissez? On dit oui. comment il s'appelle? On dit oui. Anton, on dit oui, oui, oui. Il est un homme de MAI. Ah, bah il voilà. Connaît, il connaît. Je connais. C'est bien. Ah, Anton, tu veux dire? Anton. Ah oui. Ah oui, voilà. Non, mais on connaît vachement bien. Ah bah bien sûr. Génial. Bon, enfin bref, il y aura Génération Rap et un coup d'œil dans le rétro. Donc, si vous savez pas quoi faire le 21 juin avant d'aller au resto, vous venez sur, vous venez chez Fadjet, hein, visitez les locaux, on vous recevra bien, vous inquiétez pas. Là, on va écouter Cold Guns, connaît pas, je parie le Benoît. Il va au Hellfest, il connaît personne. Ah oui, c'est ça. Mais je découvre, moi, justement. Allez, c'est Meinière, on est parti. Schwesterlein zur Arbeit muss, schließt mich im Zimmer ein, hat eine Puppe mir geschenkt, dann bin ich nicht allein. Wenn Schwesterlein zur Arbeit muss, fährt sie nicht mit der Bahn. Ihr Schaffensplatz ist gar nicht weit, ist gleich im Zimmer nebenan. Am Himmel dunkle Wolken ziehen, ich nehme artig meine Medizin und warte hier im Daunenbeet, bis die Sonne untergeht. Vögel singen und die Schwester schreit. Am Himmel dunkle Wolken ziehen, Ich nehme artig meine Medizin und warte hier im Daunenbeet, bis die Sonne untergeht. Und dann reiß ich der Puppe den Kopf ab, dann reiß ich der Puppe den Kopf ab, ja, ich beiß der Puppe den Hals ab. Es geht mir nicht gut. Ich reiß der Puppe den Kopf ab. Ja, ich reiß der Puppe den Kopf ab. Und dann beiß ich der Puppe den Hals ab. Es geht mir nicht gut, nein. Schwesterlein der Arbeit frönt, das Licht im Fenster rot. Ich sehe zu durch Schlüsselloch und einer schlug sie tot. Und jetzt reiß ich der Puppe den Kopf ab, ja, ich reiß der Puppe den Kopf ab und dann beiß ich der Puppe den Hals ab. Jetzt geht es mir gut, ja, ich reiß der Puppe den Kopf ab, ja, ich reiß der Puppe den Kopf ab. Voilà, Rammstein avec Popé qui seront à l'U-Arena le fin juin. Eh ben merci Dusk of Division. Je vous rappelle, vous êtes à Thionville le 6 juillet. Tout à fait. C'est ça. Merci de votre présence. Ça va être la bagarre. Ça va être la bagarre. Ça va être très très bon. Plus que du métal, ça revient le lundi 8 juillet. Allez, bah ciao ciao. Salut les gars. Salut. Salut. Un poil trop beau. Un petit selfie, ça vous dérange pas ? Avec plaisir.